sur les garçons et Guillaume, justement, parce qu'en plus c'était compliqué, c'était à chaque fois des petites partitions. Mais, et j'avais filmé 4-5 acteurs pour un de ces personnages, et c'était très précis ce qu'il voulait. On a commencé à regarder, et un des acteurs immédiats, c'est super, c'est exactement ça, c'est de la dentelle, c'est parfait. Je dis, bah, attends, on regarde tout le monde. Puis il regarde mon outsider, mon joker, quoi. Que j'avais fait venir parce qu'en fait, si vous voulez, Galiane, il a justement une musique, un sens de la rupture, hein, du rythme de comédie, c'est de la dentelle, quoi. C'est de la petite mécanique de précision. Donc si vous n'avez pas ça, ce rythme, ça marche pas. Et donc j'avais fait venir cet acteur que j'aime beaucoup parce que je sais qu'il a ça. Et donc je le montre à Guillaume, il regarde et puis il commence à rire. Il me fait, oh là là, c'est pas du tout comme ça que je l'imagine. Mais alors pas du tout, mais c'est pas grave, c'est lui qu'on va prendre parce qu'il est formidable. Voilà. Donc, et heureusement qu'il y a des moments comme ça parce que c'est super. Et ça décale un tout petit peu le casting, mais c'est pour le bénéfice du film. Moi, je suis au service d'un film, d'une histoire, vraiment. J'ai pas l'ego de dire, ah, putain, les journalistes, la première question qu'ils vous posent en général, c'est qui avez-vous découvert? Ça m'énerve. On découvre personne, on découvre tous les jours quelqu'un. C'est ça notre travail, c'est découvrir quelqu'un ou plusieurs personnes tous les jours, quoi, de faire des super rencontres, de découvrir des talents partout, tout le temps. Donc voilà quoi.